Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Brasilia, la belle utopie. Aujourd'hui, quand j'arrive à Brasilia, je suis surpris parce qu'il semble impossible de faire une ville en 4 ans. Je pense qu'au moins, c'est une ville différente. Non? Nous cherchons, de ma part, je fais une structure pour libre, non? J'utilise la courbe, je ne veux pas faire une chose rationaliste, non? Je fais une structure qui est basée sur la technique plus forte, non? Mais gardant un espace pour l'imagination. Architecture libre faite de courbes et qui laisse une place à l'imagination. L'architecte brésilien Oscar Niemeyer qui décrit en 1990 l'architecture qu'il a réalisée à Brasilia dans les années 50. On pourrait dire que Brasilia est la ville de trois hommes, le président Kubitschek, l'urbaniste Lúcio Costa et l'architecte Oscar Niemeyer. Brasilia, c'est la réalisation d'un vieux rêve brésilien, déménager la capitale au centre du pays. Brasilia, c'est un pari audacieux et une formidable prouesse technique, construire une ville entière au milieu de nulle part en 4 ans. Brasilia, c'est enfin une extraordinaire vitrine de la modernité en architecture et en urbanisme. Mais avec le recul du temps, la question reste de savoir si cette belle utopie des années 50 a su remplir ses promesses. Brasilia est un cœur artificiel. Placée mathématiquement au centre du pays, cette capitale superbe sera rattachée à tous les épicentres importants par un réseau d'artères. Brasilia devra devenir le vrai centre de ce pays excentrique. L'urbaniste Lúcio Costa a conçu Brasilia en forme de croix, dont les deux bras inclinés vers le bas forment un croissant. Cette dialectique de la courbe et de la droite se retrouve partout ailleurs dans la ville. La construction de Brasilia sera un jour considérée comme l'un des faits épiques du XXe siècle. Il a fallu ouvrir sur des milliers de milles l'une des forêts les plus épaisses du monde et travailler dans des conditions qui devaient rendre bien doux aux ouvriers le souvenir des villes langoureuses du littoral brésilien. Près de 100 000 personnes sont venues de tous les coins du pays pour bâtir la capitale et livrer l'interland brésilien à la civilisation. Le journaliste Pierre Nadeau à l'émission Premier Plan en 1962 pour nous raconter la fascinante histoire de Brasilia. Ma collègue journaliste Ginette Lamarche, qui a été correspondante au Brésil de 2003 à 2007. Ginette Lamarche, bonjour. Bonjour, Jacques. Bienvenue à Aujourd'hui l'Histoire. Ginette, vous avez été donc en poste à Rio pendant 4 ans. Vous êtes allée souvent à Brasilia. La première fois. La toute première fois que vous êtes débarqué, qu'est-ce qui vous a frappé tout de suite? En fait, Brasilia, c'est une ville culte déjà, même si c'est une ville récente et moderne, un peu comme Valparaiso. On a énormément d'attentes. Et ce qui est particulier pour Brasilia, déjà quand on est dans l'avion, on veut regarder à l'atterrissage, est-ce que ça a vraiment la forme d'un avion? Ouais, eh bien, cette fameuse croix. Cette fameuse croix, l'avion ouais. Avec les bureaux du gouvernement qui sont dans le poste de pilotage. Eh bien oui, alors déjà, dès qu'on atterrit, on arrive dans un endroit qui est déjà mythique mm-hmm. d'une certaine manière. Et comme moi j'étais journaliste et que je suis allée là pour couvrir des événements du gouvernement, notamment une rencontre avec Lula et l'ex-président Ahmadinejad d'Iran, j'étais en plein cœur de mm-hmm. ce lieu du pouvoir et en plein cœur de ces magnifiques édifices qui ont été conçus par Niemeyer. Et il y en a plusieurs. Et ça nous frappe tout de suite, cette beauté. Ah, c'est hors norme. Ouais. C'est complètement nouveau. Ces courbes rondes, cette architecture qui est complètement décapante, je dirais, eh bien, ça crève les moderne. Yeux. Et c'est d'une grande beauté, en encore plus. Encore aujourd'hui, donc. Ah oui, ça, il n'y a aucun doute ouais. là-dessus. Ouais. Les Brésiliens, quel rapport ils ont? Comment ils l'aperçoivent, cette ville? Je dirais que faut pas oublier une chose, que Brasilia, dans le rêve de Brasilia, c'était effectivement de mettre la capitale en plein milieu du pays, ce qui est réussi, mais ça a eu un côté fédérateur qui n'existait pas avant la naissance de Brasilia. Et les cariocas de leur côté, les gens de Rio, c'est sûr qu'ils ont encore chez les plus vieux, dans la vieille génération, ceux qui ont au-dessus de 70 ans, qui sont restés attachés à la capitale de Rio de Janeiro, eux autres, Brasilia, c'est quelque chose de loin, puis ça n'aurait jamais dû être la capitale. Mais je dirais que l'ensemble de la population, beaucoup plus jeune, y compris les Cariocas et les Paulistas, hein, le centre économique, on reconnaît aujourd'hui que ça a apporté le développement du Brésil, la modernité au Brésil, et ça, une renommée internationale. Donc une certaine fierté. Oh, une grande fierté, je dirais. Ouais. Pas une certaine fierté, une grande fierté pour Brasilia aujourd'hui, qu'importe où on soit là, dans le pays. Alors reculons dans le temps. On est au milieu des années 50. Parlons de la naissance de Brasilia, de cette idée qui est d'abord l'idée du président Kubitschek. Écoutez-le en français, le président Kubitschek. Expliquez le choix du site de Brasilia à la RTF, la radio-télévision française, en 1960. Comment l'idée de Brasilia vous est-elle venue? L'idée n'est pas à moi. C'est une vieille idée au Brésil. Depuis des siècles, le Brésil pense à changer sa capitale pour l'intérieur. Qui connaît le Brésil sait bien que nous avons une civilisation seulement dans le littoral. L'intérieur est complètement vide, complètement dépeuplé. Mais vos ennemis politiques vous ont reproché le choix arbitraire de l'emplacement de Brasilia, planté au cœur du Brésil, coupé de toute voie de communication. Quels critères ont présidé à ce choix? Non, le choix de Brasilia ne pouvait pas être meilleur, parce qu'il faut mettre la capitale exactement dans le vide brésilien, dans le désert brésilien. Parce que si nous allions faire une capitale ici, où la civilisation a déjà fait tout ce qu'on peut faire, je ne sais pas quels seraient les avantages, n'est-ce pas? Alors, Brasilia s'est bien placé dans le plateau central, même au centre géographique du Brésil, et de là, nous pouvons faire toute la communication avec les plusieurs régions du Brésil. Le président Kubitschek, en 1960, qui est convaincu, qui est convaincant, en l'entendant, Ginette Lamarche, on voit clairement l'idée qu'il a, c'est je disais utopie, il y a vraiment une intention politique au départ, en créant cette ville, au milieu de nulle part, au milieu du Brésil. Politique et économique, parce que le slogan de Kubitschek à l'époque, avant de se faire élire, c'était 50 ans de progrès en 5 ans. Et effectivement, on peut dire qu'avec la construction de Brasilia, parce que la construction de Brasilia, ça, c'est le projet pharaonique, énorme. Mais en 4 ans. En 4 ans, même, on parle d'un peu moins de 4 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas de route. Il fallait donc construire des routes, il fallait construire des ponts, il y avait toute une infrastructure routière à mettre en place. D'ailleurs, le développement était fait en fonction de la route. On n'a pas construit de voies ferrées. Ça c'est encore une critique que l'on fait aujourd'hui de ce modèle de développement. Ouais. On a construit des routes pour mettre l'accent sur l'automobile, tout ce qui roule, quoi. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait effectivement des routes dans le nord-est, dans l'ouest, évidemment plus le sud développé, mais il n'y avait pas de route qui liait le nord et le sud. La région du nord-est, les nordestinos qu'on appelle aujourd'hui, elle était complètement isolée et pauvre. Et ce projet de Brasilia a permis le développement vers le nord. Bon, elle s'est pas complètement réussi encore aujourd'hui. On sait qu'il y a encore une très grande disparité. Le nord-est reste une région pauvre, mais tout de même une région qui est en développement. Mm-hmm. Et on sait qu'on a connu un certain développement encore un peu plus avec Lula ces dernières années, qui lui était originaire de Pernambuco. Et donc, le projet de Brasilia, c'était plus que la capitale. C'était la capitale, mais c'était aussi le développement de l'intérieur du pays. Et puis, c'est un projet qui, politiquement, est très, très important pour Kubitschek. Vous le disiez, vous parliez de son slogan. Brasilia fait partie de ça, du Brésil de demain, de ses 50 ans de progrès en 5 ans. C'est pour lui, politiquement, ça fait partie de son projet politique, de son projet électoral. Et puis, il l'évoque un peu. Il dit, c'est pas mon idée, c'est une vieille idée. Au fond, c'est dans la Constitution de 1891, cette idée de déménager la capitale, Ginette Lamarche. Oui, c'est déjà dans la Constitution, mais déjà les Portugais avaient l'intention de construire, d'avoir une capitale qui s'éloignerait de la mer. Oui. Et pour une raison tout simplement stratégique, pour que ce soit moins dangereux pour prendre la capitale. Et ensuite est venue l'idée, là justement dans la Constitution, d'avoir justement un projet de développement vers le nord. fort. Mais on peut vraiment dire que le père fondateur de Brasilia, c'est Kubitschek, parce que c'est vraiment Kubitschek qui a bout de bras à porter ce projet-là, parce qu'au départ, les gens n'y croyaient pas. Ouais. On ne croyait pas à l'établissement d'une capitale in the middle of nowhere, au milieu de nulle part. Et les critiques seront très, très vives et très rapides. Critiques cinglantes à l'intérieur même du pays. Politiquement, ses adversaires, on l'entendait il y a quelques minutes, ne vont pas se priver de critiquer Kubitschek. Et puis, un peu partout dans le monde, il y aura cette impression, très vite, là, en 60, 61, il y aura cette impression que cette affaire-là, c'est artificiel. Je propose là-dessus un extrait d'une émission diffusée ici, Présence de l'art, en 1961. Vous allez y entendre le journaliste et futur politicien Gérard Pelletier, le compositeur Gilles Tremblay et l'homme de théâtre Jean Paris parler de l'impression qu'ils ont de cette affaire-là qui s'appelle Brasilia. Je ne crois pas que Brasilia soit la ville de demain. Je crois que Brasilia est une capitale artificiellement bâtie très loin dans les champs. Je pense que Brasilia, au champ des gars, c'est des villes artificielles, non pas par l'architecture ou par le fait qu'on les a bâties toutes neuves, mais parce que c'est des administrations, c'est pas très gai des administrations. Les ministères non plus. La ville me fait l'impression d'un immense building. Ça peut être impressionnant, mais on a l'impression que tout le monde va s'en aller à un certain moment à un endroit où les gens vivent pour vrai et non pas seulement pour un gagne-pain. J'ai l'impression qu'on s'y ennuie beaucoup. Enfin, les gens que j'ai vu quelqu'un qui y avait été, tous les gens qui y habitent sont furieux. Ce qui manque, ce qui doit manquer à Brasilia, c'est une couleur de peuple, si vous voulez. Il y a une très bonne plaisanterie au Brésil qui dit si vous gagnez un concours, le premier prix, c'est 2 jours de séjour à Brasilia, le deuxième, 4 jours de séjour à Brasilia, et ainsi de suite. Alors, Jeanette Lamarche, est-ce que vous la connaissiez? Est-ce qu'elle existe toujours, cette blague au Brésil? Non, moi, je ne l'ai pas entendue, cette blague-là. Mais l'idée qu'on s'ennuie à Brasilia, c'est un peu la même chose qu'on dit d'Ottawa, nous, ici, ouais. Tu vois. C'est qu'on s'ennuie à Ottawa, la capitale. Donc, Gérard Pelletier n'a pas tort en disant ça n'a rien à voir. Lui disait, dans cet extrait de 1961, c'est pas tant le modernisme, c'est que c'est une ville de fonctionnaires, c'est une ville administrative. Oui, et justement, on est en 1961, donc l'année après l'inauguration de Brasilia. Et il ne faut pas oublier que ça a évolué beaucoup depuis. Ça reste une capitale, c'est sûr. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, ce que Niemeyer n'avait pas prévu, c'est que les 60 000 ouvriers qui sont venus du Nordeste, qui sont venus du Minas Gerais pour construire ce projet immense, eh bien, ils ne sont pas retournés chez eux. Ils sont restés chez eux. Et cette ville-là qui a été conçue pour accueillir ces 500 000 personnes, ben, les 500 000 personnes qui restent dans les fameux quadras, parce qu'il ne faut pas... L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, qui donne ce côté un peu froid de Brasilia, c'est que Niemeyer, c'est un communiste, et communiste socialiste, donc tout est construit en fonction... En quartier, le quartier administratif, le quartier des affaires, le quartier des commerces et les quartiers résidentiels. Ça, c'est vrai que cette marque-là est encore là aujourd'hui. Il n'y a pas de centre-ville tel qu'on les connaît traditionnellement. Alors, il faut aller maintenant, la ville a beaucoup évolué, il faut aller maintenant, tous ces gens-là qui sont venus construire les milieux populaires, ils ne sont pas restés, évidemment, dans ces quadras-là, et ils sont à la périphérie, ce qu'on appelle aujourd'hui les villes satellites. Ouais. Eh bien, dans ces villes satellites, il y a la vie brésilienne, la vie populaire brésilienne, qui est toute mélangée, qui n'est pas séparée en petits quartiers. Donc, il y a une vie très chaleureuse brésilienne, y compris à Brasilia, mais comme tout près du Parlement à Ottawa, tout près des trois pouvoirs, c'est un peu froid, mais c'est tout de même une ville magnifique. Ouais. Mais c'est aussi une ville où c'est difficile de bouger, parce que ça a été la modernité s'est exprimée avec les déplacements en auto. Mm-hmm. C'est fascinant que vous m'ameniez là de cette manière-là, parce qu'au fond, j'allais vous demander de me parler des deux grands artistes, des deux grands créateurs derrière Brasilia. On reviendra sur Oscar Niemeyer et son architecture dans un instant, mais d'abord, Lúcio Costa, l'urbaniste. Je dis c'est fascinant parce qu'au fond, je vous écoute, Jeanette. C'est un exemple à l'époque d'urbanisme de demain, c'était ça l'intention. En même temps, ce que vous me décrivez, ville faite pour la voiture, centre de la ville administratif mort, c'est en périphérie qu'il y a de la vie, c'est de l'anti-urbanisme. Mais quand même, qu'est-ce qu'il voulait faire à l'origine et qu'est-ce qu'il a fait, notre ami Costa? Notre ami Costa, parce que Costa et Niemeyer, ils sont assez intimement liés. En fait, il voulait faire un exemple architectural, mais quand on parle de modernité, on revient à la fameuse croix. Vous savez, on dit, ce qu'on raconte, c'est que quand Costa s'est présenté, Costa qui connaissait bien Le Corbusier, hein, c'était un élève de Le Corbusier, quand il s'est présenté, son premier plan, ça a été une croix, tout simplement. L'idée d'une croix et tout devait... Et donc, dans le symbole de la croix, c'est la prise de possession d'un territoire. Ouais. Alors, c'était ça au départ. Et dans cette croix-là, bien évidemment, la tête de la croix, ben, c'est tous les édifices gouvernementaux et la voie centrale, hein, la voie, ce qu'on appelle monumentale, qui est toujours une très, très grande avenue. À l'époque, on disait que c'était la plus grande au monde. Aujourd'hui, je ne crois plus que ce soit le cas. Mais donc... où la voiture est reine dans cette ville-là. Et encore aujourd'hui, bien, c'est sûr que pour se déplacer d'un quartier à l'autre, il faut absolument une voiture. Mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est les espaces verts. C'est une ville avec des parcs partout. Le lac artificiel qu'on a créé est présent partout. Le parc de la Cidade, c'est un des parcs urbains les plus grands au monde. Donc, il y a cette proximité aussi avec la nature. On peut dire qu'à Brasilia, il y a une très grande qualité de vie. Oui. Donc, il ne faut pas être trop sévère. Voilà. En fait, parce qu'on parle effectivement souvent de cette froideur, de ce côté artificiel. Il n'y a pas que ça. L'architecture, on y vient avec Oscar Niemeyer. Petit extrait, en fait, reportage, visite guidée, si vous voulez, une petite capsule d'actualité française diffusée en avril 1960. Le plus extraordinaire chantier qu'on puisse rêver, celui d'une capitale que l'homme a décidé de créer de toutes pièces, Brasilia. Les principaux éléments du décor sont plantés. Les 28 étages des deux buildings administratifs, dominant la coupole concave du Sénat et la coupole convexe de la Chambre des députés. La résidence présidentielle, le palais de l'Aurore. Les blocs d'habitation, chaque bloc est prévu pour 4000 habitants. Pour cette capitale de l'avenir, les bâtisseurs ont imaginé la cathédrale de l'avenir. Les murs seront en verre. Et des églises dont l'architecture s'inspire des styles les plus avant-gardistes. Ainsi, une cité qui représentera le stade le plus avancé de l'urbanisme moderne a pris forme. Là où il n'y avait, voici 3 ans, qu'une étendue déserte est née au bord de son lac artificiel, la nouvelle capitale du Brésil. Alors, cette architecture de Brasilia, cette architecture d'Oscar Niemeyer, comment la décrire, Jeanette Lamarche? C'est une architecture tout en courbe, tout en vert. Et je pense que, je vais citer Niemeyer ici, et vous allez comprendre tout. Il dit, ce n'est pas l'angle droit qui m'attire, ni la ligne droite, dure, inflexible, inventée par l'homme. Seule m'attire la courbe libre, sensuelle, la courbe de nos montagnes, la courbe de nos rivières, et les vagues et le courbe du corps des femmes, parce qu'il adorait les femmes. Donc, oui, c'est une architecture faite de courbes et il rompt complètement avec l'architecture rigide, la ligne droite, la ligne perpendiculaire, carrée. Vous parliez de Le Corbusier tantôt, c'est de l'anti-Le Corbusier. Exactement, c'est de l'anti-Le Corbusier. Tout est en courbe à Brasilia, sauf peut-être les deux grandes tours des Trois Pouvoirs. Ouais. Il y a la grande, c'est une place magnifique, hein, la tour des Trois Pouvoirs, avec le Sénat d'un côté qui est comme un bol à soupe tourné vers le bas, parce que tout est symbolique aussi, c'est ça qui était intéressant, c'était tourné vers le bas parce que c'était la réflexion. Et la Chambre des députés, tournée de l'autre côté, tournée vers le haut, parce que c'est le peuple, il représente le peuple, il incarne le peuple, ouvert sur le monde. Il y a toujours, et les grands espaces, c'est la liberté, c'est le symbole de la liberté. Et en plein milieu de cela, vous avez les deux grandes tours à 26 étages, qui sont reliés par une passerelle et ça forme le H de l'humanité. Donc très conceptuel, donc. Très très, oui, voilà, c'est une ville concept. Et partout, j'ai parlé de ce lac artificiel tout à l'heure, il est présent partout et il y a des plans d'eau partout. Par exemple, le magnifique palais Alvorada, le palais de l'aube dont on parlait dans l'extrait, on l'a nommé l'aube, c'est Kubitschek qui l'a nommé palais de l'aube parce que c'était un jour nouveau. Pour le Brésil. Alors ça, c'est plein de courbes et de colonnes. Je crois qu'il y a 16 colonnes devant, là, tout en courbure. Et derrière, c'est du vert. Et tout ça se reflète dans l'eau. Ça a un effet miroir. Et cette cathédrale, pièce maîtresse, hein, je pense qu'on... Enfin, magnifique. Parlons de Brasilia, puis on termine là-dessus. Jeanette Lamarche, parlons de Brasilia aujourd'hui. À quoi ressemble la vie dans cette ville aujourd'hui? Moi, j'ai connu Brasilia avec le temps. J'ai mis beaucoup de temps et je dirais que j'ai pu vraiment l'apprécier quand je suis vraiment allée en voiture, quand j'ai loué une voiture et que j'ai pu me promener dans Brasilia, où on peut faire ce lien, si tu veux, entre le centre administratif, gouvernemental et aller vers le parc de la cité qui est merveilleux, et ensuite aller vers l'extérieur. Ouais. Parce que c'est la grande nature à l'extérieur. Les gens qui, d'ailleurs, j'avais des amis là-bas qui n'étaient pas fonctionnaires, parce que c'est souvent les fonctionnaires aussi qui n'aiment pas la ville, qui sont plus attachés à São Paulo ou qui sont plus attachés à Rio. Et qui, eux, retournent, qui vivent dans cet écrin protégé, patrimoine mondial de l'UNESCO, le centre, et qui ont les moyens parce que le gouvernement paye, c'est ça. Mais ceux qui sont mais qui nés retournent là, à Rio chaque week-end ou à São Paulo. Exactement, ouais. Comme nos fonctionnaires ici, nos élus ici à Ottawa. Mais ceux qui vivent là, qui sont nés là et qui habitent pas nécessairement au cœur de Brasilia, ils aiment beaucoup la qualité de vie parce que justement ils peuvent aller à l'extérieur très rapidement. Il y a des lacs où on peut pêcher, on peut encore pêcher, où on peut encore chasser dans cette région-là. Donc il y a une nature merveilleuse. Mais ça, c'est à proximité là. Donc on est loin de São Paulo. Il faut faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres pour avoir une nature un peu sauvage. Et je dirais que peut-être ceux qui aiment le plus Brasilia, ce sont ceux qui sont nés là, à Brasilia, et qui y restent et qui n'ont pas du tout envie de partir. Et qui sont, encore une fois, puis on termine là-dessus, mais qui ne sont pas dans ce Brasilia qu'on va visiter. Parce que, de toute façon, 3,5 millions d'habitants, c'est la population du Grand Brasilia. La ville dont on parle, protégée par l'UNESCO, c'est 500 000 habitants. Exactement. Et il y a une ségrégation. Il faut être riche pour vivre dans ce cœur de Brasilia, non? Ben, comme il faut être riche pour habiter à Copacabana, à Rio de Janeiro, bon, c'est pareil. On sait que le Brésil est un pays très inégalitaire. Et donc, c'est bien sûr que c'est seulement les fonctionnaires et les cadres supérieurs qui peuvent vivre dans ce Brasilia, patrimoine de l'humanité. Ouais. Les autres, ils vivent à la périphérie avec des voitures. Est-ce qu'ils y vont? Les fonctionnaires? Les autres qui vivent en périphérie, est-ce qu'ils vont dans ce cœur, entre guillemets, de Brasilia? Je ne l'ai pas senti. Non. Je ne l'ai pas trop senti. Ils restent dans leur quartier. Cela dit, il y a des nouveaux quartiers qui se sont développés, qui sont très intéressants, comme il y a des belles rues de restaurants, de bars. Et ça s'est développé avec le temps. Et ça n'existait pas, bien sûr, dans les commentaires qu'on a entendus en 1960. Là. Jeanette Lamarche, journaliste au service des actualités radio, correspondante au Brésil de 2003-2007. Merci infiniment, Jeanette. Ça fait un grand plaisir. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.